Les renards fées, conte Tao Ssé. Premier chapitre. Sous le règne de Yi Wang Song, il monta sur le trône l'an 713 de Jésus-Christ, de la dynastie des Tang vivait un jeune homme originaire de la capitale dont le nom de famille était Wang et le petit nom Qin. Peu versé dans la connaissance des livres classiques et historiques et très superficiellement instruit en littérature, il aimait le vin et la bonne chère, et il maniait l'épée avec un rare talent. Son occupation favorite était de courir à cheval armé de son arbalète. Wang perdit son père de bonne heure et comme il ne lui restait plus que sa mère, il se maria. Son jeune frère, nommé Wang Tsei, était d'une force extraordinaire et ne rencontrait jamais de rivaux dans les exercices militaires. Ce Wang Tsei prit du service dans les gardes particulières de l'empereur et ne songea point à se marier. Ces deux jeunes gens jouissaient d'une fortune brillante. Un grand nombre de serviteurs obéissaient à leurs ordres. Il se trouvait dans une position assurée et tranquille qui promettait la joie et le bonheur. Mais tout à coup vint à éclater la révolte de Ngan Lo Chan. Il a été question de la rébellion de Ngan Lo Chan dans la nouvelle de Li Taipei. Le défilé de Tang Quan entre les monts Hua Chan et le fleuve jaune s'étant trouvé dépourvu de garnison, Yuan Song se retira dans l'ouest et Wang Tsei fit partie de l'escorte qui accompagna l'empereur fugitif. Quant à Wang Qin, pensant qu'il n'y avait plus moyen de rester sur le même pied dans la capitale tombée au pouvoir des rebelles, il abandonna ses propriétés, réunit tous les objets susceptibles d'être emportés, puis emmena avec lui sa mère, son épouse et les gens de sa maison. Ils allèrent dans le Qiangnan se mettre à l'abri des troubles. Là, Wang Qin s'établit dans l'arrondissement de Hangzhou, au village de Xiao Shui Wan, l'anse de la petite rivière, et passa ses jours à prendre soin des terres qu'il avait achetées autour de sa nouvelle demeure. Dans la suite, Wang Qin entendirent que la capitale a été reprise par les troupes de l'Empire, que les chemins sont sûrs et tranquilles. Il lui vient à l'idée d'aller faire un voyage à Chang'an pour apprendre ce que sont devenus ses parents et ses amis et remettre en état ses anciennes propriétés. Bien décidé à partir, il communique son projet à sa mère et à sa femme, dispose ses bagages et après avoir fait ses adieux en fils soumis, il se met en route, ne prenant avec lui qu'un seul domestique du nom de Wang Fo. D'abord, le voyage se fit par eau, et Wang arriva ainsi jusqu'au lieu du débarquement dans le Yangcheu, au temps de la dynastie des Sui. Ce district s'appelait Qiangtu. C'est un point fort important où se réunissent les deux fleuves Qiang et Wei. C'est comme la clé des routes du nord et du sud. Les mâts des navires qui vont et viennent y sont serrés comme les brins de chanvre dans un champ. Tout le rivage est couvert de maisons très rapprochées. Il y a là un continuel concours de marchands et d'acheteurs. Ce lieu est en vérité plein de gaieté et de mouvement. Or, ce fut là précisément que Wang Qin quitta son bateau pour continuer sa route par terre. Il loua des bêtes de somme pour porter son bagage et prit le costume d'un officier de l'armée. Chemin faisant, ses regards se promenaient avec satisfaction sur les fleuves et les montagnes. La nuit, il se reposait, puis reprenait sa course au matin. Ainsi, en peu de temps, il arriva à la ville de Fanchuen, la même qui, sous la dynastie des Han, fut concédée à Tang Wei à titre de revenu. Cet endroit n'est pas fort éloigné de la capitale, et comme le fer et la flamme y avaient porté leurs ravages, les 100 familles de la ville et des campagnes s'étaient cachées ou avaient pris la fuite. Il ne se trouvait donc pas une maison habitée sur toute la route, et à peine un rare voyageur. Aussi, ce que voyait Wang Qing, c'était les sommets élancés des collines que les forêts enveloppaient de leur ombre, les Picardies si poétiques dont le front déchire les nues azurées. Au milieu des rocs escarpés et des monts à perte de vue, serpente la rivière Han aux eaux limpides, et la nappe d'eau dans son vol oblique lance à 10 000 pieds ses vagues argentées. Des plantes grimpantes se suspendent au-dessus de l'abîme, et la brise les fait flotter comme une écharpe brodée de toutes couleurs. À travers l'immense étendue de ces monts perdus dans les nuages sont d'étroits sentiers faits pour l'oiseau et que le rare voyageur suit en se courbant. Les forêts vaporeuses se confondent avec les nuées, les villages ravagés sont solitaires et l'homme a disparu de ses campagnes désertes. Parées de 1000 nuances, les fleurs des montagnes s'épanouissent avec joie, et les oiseaux sans nom, habitants du désert, troublent seuls cette solitude de leurs cris. Wang Qin contemplait avidement la riante perspective des montagnes et des rivières, et il allait en laissant flotter les rênes de son cheval, lorsque, vers le soir, à l'heure où le ciel s'obscurcit peu à peu, il entendit dans l'épaisseur de la forêt quelque chose qui ressemblait à des voix humaines. Le voyageur approche et regarde. Or, ce n'étaient point des hommes, mais deux renards sauvages qui, appuyés contre le tronc d'un vieil arbre, tenaient devant eux un livre écrit. La patte fixée sur l'écriture, ils discutaient comme feraient deux personnes qui ne sont pas d'accord à propos d'un passage douteux. « Ah ! s'écria Wang Qin en riant. « Ces deux animaux-là sont vraiment prodigieux. Ce sont des fées. Mais quel peut être le livre qui fixe leur attention? Si je leur faisais avaler une de mes balles !» Et là-dessus, serrant les rênes de soie pour arrêter son cheval, il élève tout doucement l'extrémité de la bride ornée d'une corne polie à la meule, dispose la corde de l'arbalète. Il s'agit ici d'une arbalète à lancer les balles. Plonge sa main dans son sac et en tire une balle qu'il place dans le canon, puis il ajuste avec la plus grande attention. L'arbalète s'arrondit comme la lune en son plein. La balle siffle en volant avec la rapidité de l'étoile filante. Les deux renards, plongés dans une occupation remplie d'intérêt pour eux, ne se doutaient pas du tout que quelqu'un les épiait hors de la lisière du bois. Au sifflement de la corde de l'arbalète, il lève la tête pour voir d'où vient ce bruit. Mais dans son vol rapide, la balle était déjà entrée ni à côté ni de travers, mais tout juste au milieu de l'œil gauche du renard qui tenait le livre. L'animal abandonna son manuscrit en jetant des cris perçants et s'enfuit avec sa blessure. L'autre renard se baissait déjà pour ramasser le livre laissé par son compagnon lorsque une seconde balle de Wang Qin l'atteignit à la tempe droite. Il se mit à jouer des jambes et s'enfuit aussi avec de grands cris pour échapper à la mort. Le voyageur poussa son cheval en avant et ordonna à son domestique de ramasser le livre. Mais quand il l'examina, il s'aperçut que les pages étaient couvertes de caractères faits comme des têtards, nom que l'on donne en chinois à une ancienne écriture dont les caractères ressemblent à ces animaux, et tous parfaitement indéchiffrables pour lui. En vérité, songea Wang Qin en lui-même, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir d'écrit sur ce livre, mais je l'emporterai pour consulter plus tard à loisir des lettrés versés dans la connaissance des écritures anciennes. Aussitôt, il cache le manuscrit dans sa manche, sort de la forêt entre-temps et reprend la grande route qui conduit à la capitale. Or, à cette époque, le Turc Ganlo Chan était mort, il est vrai, mais son fils Ngan Yuen, qui avait pris sa place, était tout aussi terrible. Un des chefs de l'insurrection, Chi Se Ming, après s'être soumis, s'était révolté de nouveau. Dans toutes les colonies militaires étaient réunies des forces imposantes, mais nulle part on ne voyait se manifester l'intention de rentrer dans le devoir, et comme on craignait que des conjurés ne vinssent jusqu'à la capitale épier les mesures du gouvernement, on faisait aux portes de la ville une garde sévère. Ceux qui entraient ou sortaient étaient soumis à un examen rigoureux, et dès le crépuscule on fermait les portes. Lorsque Wang Qing se présenta au pied des murailles, le soleil avait déjà pâli vers l'occident et les verrous étaient tirés. Il songea donc à trouver un gîte pour la nuit. Arrivé à la porte d'une hôtellerie, le voyageur descend de cheval et entre. Le maître du lieu, qui vit un étranger, l'arbalète sur le dos, le sabre à la ceinture, en habit d'officier, se garda bien de le recevoir froidement. Et s'avançant au-devant de Wang Qin avec politesse, il pria sa seigneurie de vouloir bien prendre un siège. Les domestiques eurent l'ordre de préparer et de servir une tasse de thé. Pendant ce temps, le laquais Wang Fo avait déchargé les bagages et les apportait dans la maison. « Hôtelier, demanda Wang Qin au maître de l'auberge, avez-vous une chambre sûre et commode dont vous puissiez disposer pour moi ?»« J'en ai beaucoup de vide dans mon hôtel, répondit le maître. Votre seigneurie n'a qu'à choisir celle qui sera à son gré. » Et là-dessus, allumant une lampe, l'aubergiste conduisit son hôte dans tous ses appartements. Ce qui convint le mieux à Wang Qin fut une petite chambre propre et bien tenue, dans laquelle furent déposés les effets, tandis qu'on menait à l'écurie les bêtes de somme pour y être bien soignées. À peine le voyageur fut-il installé que le petit domestique de l'auberge vint demander si sa seigneurie souhaitait de boire une coupe de vin. « Si vous en avez de bon, répondit Wang Qin, apportez-moi deux mesures avec un plat de viande de bœuf haché et veillez tous ici à exécuter fidèlement mes ordres. » Le domestique se retira en assurant que sa seigneurie serait ponctuellement obéie. Wang Qin, après avoir eu soin de fermer la porte derrière lui, sortait de sa chambre lorsque le garçon de l'auberge reparut avec le vin et le plat demandé. Il venait pour savoir si sa seigneurie désirait aller jusque dans le salon prendre son repas ou bien s'il fallait servir dans l'appartement. « Je mangerai ici, » répondit le voyageur. Et aussitôt les mets furent placés sur une petite table. Wang Qin s'assit et son domestique Wang Fo, debout près de lui, versait le vin. Il avait bu tout au plus deux ou trois verres lorsque l'aubergiste, s'avançant vers son hôte, lui demanda si sa seigneurie venait de la frontière. « Non, répondit Wang Qin, je viens de Kiangnan. Cependant, objecta l'hôtelier, l'accent de sa seigneurie n'est point celui des habitants de Kiangnan. Eh bien, ajouta Wang Qin, je parlerai franchement. Je suis originaire de la capitale. Depuis que la révolte de Ganglochan a forcé le char impérial de se retirer dans le pays de Shou, j'ai abandonné ma demeure pour fuir les troubles dans le Kiangnan. On dit que maintenant les rebelles sont rentrés dans le devoir. L'empereur est revenu à Chang'an. Et je vais réparer les désastres qu'ont dû souffrir mes anciennes propriétés. Ensuite, j'irai chercher ma famille pour l'emmener avec moi dans notre première patrie. Comme je craignais de faire sur la route quelques mauvaises rencontres, voilà pourquoi j'ai pris l'uniforme d'un officier de l'armée. Eh bien, reprit l'hôtelier, votre seigneurie et moi, nous sommes dans le même cas. Il n'y a pas plus d'un an que je suis venu chercher un abri dans ce village. Et comme tous les deux étaient compatriotes et gens de la capitale, bien qu'étrangers l'un à l'autre, ils devinrent comme de vieux amis et ils se firent part réciproquement de ce qu'ils savaient touchant ces troubles désastreux. On a raison de dire « les fleuves, les monts, la brise présentent toujours à l'œil le même spectacle, mais les familles de la ville et des faubourgs ont à moitié disparu ». Leur conversation était fort animée, lorsqu'on entendit une voix du dehors qui disait « Hôtelier, y a-t-il une chambre disponible pour cette nuit ?»« Oui, il y en a, » répondit le maître, « mais je ne sais pas combien vous êtes de voyageurs. »« Il n'y en a qu'un, » reprit la voix, « je suis seul. » L'aubergiste vit en effet un individu seul et qui n'avait pas de bagages, et il répondit: Puisque vous êtes sans compagnon, je ne puis me hasarder à vous recevoir. Auriez-vous peur par hasard que je ne vous paie pas? Reprit l'inconnu fort en colère. Est-ce là le motif qui vous empêche de m'ouvrir? Monsieur, répondit l'aubergiste, mon motif n'est pas celui auquel vous faites allusion. Mais le noble commandant de la garnison a fait publier de tous côtés une proclamation par laquelle il défend aux hôteliers de donner un abri à tout voyageur inconnu ou suspect. Celui qui serait dénoncé comme ayant reçu et logé clandestinement un étranger s'exposerait au plus grave châtiment. Et puis maintenant, Shi Se Ming s'étant révolté, la défense devient plus expresse. D'ailleurs, monsieur est sans bagage. Je n'ai pas l'avantage de le connaître. Il y aurait donc de grands inconvénients à le loger. Quoi? S'écria l'inconnu en souriant. Vous ne me connaissez pas? Je suis précisément le commandant de la garnison. Une affaire m'avait appelé à Fanchuen, et j'en reviens. Comme je suis arrivé trop tard pour entrer en ville, je me vois obligé de vous demander asile pour cette nuit. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas de bagages. S'il vous reste encore des doutes, des soupçons, demain matin, venez avec moi jusqu'aux portes de la capitale et interrogez les gardes. Il n'y en aura pas un qui ne me reconnaisse. Grâce au grand bonnet qu'ôta l'étranger en saluant, l'aubergiste ajouta foi à ses paroles. Par malheur, répondit-il, le vieux Chinois ne connaissait pas le seigneur commandant. Veuillez donc ne pas vous formaliser de son refus et daignez prendre un siège dans le salon. Ne vous tourmentez pas, ajouta l'inconnu. Seulement, je meurs de faim. Si vous avez du vin et du riz cuit, j'en prendrai un peu. Là-dessus, il entra sans tarder dans la salle de l'hôtel et dit à l'aubergiste: Je fais abstinence de viande. Il me faut seulement des aliments maigres et du vin. Puis il alla tout droit s'asseoir à la table sur laquelle mangeait l'autre voyageur. Le domestique avait apporté les mets commandés. Cependant, Wang Chin, ayant dirigé son regard sur le nouveau venu, s'aperçut qu'il cachait son œil droit sous les plis de sa manche, avec des signes non équivoques de la plus cuisante douleur. Ce fut pourtant lui qui rompit le silence. Maître, dit-il à l'aubergiste, j'ai eu bien du malheur aujourd'hui. J'ai rencontré deux méchants animaux qui sont cause que je suis tombé et que j'ai perdu l'œil. Comment? Qu'avez-vous rencontré? Demanda l'aubergiste. Écoutez, continua le prétendu commandant, en revenant du Fanchuen, j'ai aperçu deux renards sauvages qui sautaient d'un côté sur l'autre, en poussant de grands cris. Je me suis mis à courir pour les prendre, mais tout d'un coup mon pied s'est embarrassé. Les deux renards galopaient toujours, et je suis tombé si rudement que la prunelle de mon œil gauche est gravement attaquée. Aussi, ajouta l'aubergiste, je m'étonnais de voir que votre seigneurie cachait la moitié de son visage sous sa manche. Eh bien, interrompit à son tour Wang Chin, en parcourant la même route aujourd'hui, j'ai fait rencontre aussi de deux renards. Est-ce que vous avez pu mettre la main dessus? Demanda l'inconnu avec vivacité. Ils étaient dans la forêt, très attentionnés à regarder dans un manuscrit, répondit Wang Chin. J'ai envoyé une balle dans l'œil gauche de celui qui tenait le livre. Il l'a laissé tomber et a pris sa course. L'autre allait ramasser le bouquin, mais une seconde balle partie de mon arbalète l'a blessé à la joue, et il s'est sauvé. Ainsi, je n'ai pu avoir que le livre, et les deux bêtes m'ont échappé. Quoi? S'écrièrent en même temps l'inconnu et le maître de l'auberge. Des renards qui savent lire? Voilà une étrange aventure. Et sur ce livre, reprit le nouvel arrivé, qu'a-t-il décrit? Pourrais-je obtenir d'y jeter un coup d'œil? Oh, c'est un livre bien étrange, ajouta Wang Ching. Il n'y a pas un caractère qu'on puisse déchiffrer. Et laissant là sa tasse pleine, il tira de sa manche le livre mystérieux pour le faire voir. Mais ce qui est long à dire fut prompt à faire. Il n'avait pas encore porté la main à sa manche que le petit-fils du maître de l'hôtel, jeune enfant de 5 ou 6 ans, arriva en courant. Sa vue était perçante, et il reconnut que cet étranger était un renard. Il se garda bien de trahir sa pensée, mais s'élança droit devant l'animal, et montrant du doigt le faux commandant, il s'écria « Mon père, voyez quel vilain renard sauvage est venu s'asseoir ici, et vous ne le chassez pas ?» À ces mots, Wang Qin, frappé d'une idée subite, reconnut que ce devait être le renard blessé par lui. Il se jeta précipitamment sur son épée et en dirigea la pointe vers la porte. Mais l'animal, qui se vit menacé, esquiva le coup, fit une culbute et se laissa voir sous sa forme naturelle. Puis il sortit en se sauvant tout effaré. Wang Qin le poursuivit l'épée à la main, à la distance de quelques maisons. Mais les traces du renard le conduisirent tout droit au pied d'un mur. C'était au milieu de l'obscurité de la nuit. Wang Qin, ne trouvant pas de porte qui pût faciliter ses recherches, il lui fallut donc revenir. Le maître de l'hôtel arriva avec une lampe allumée, accompagné de Wang Fu, le domestique de son hôte. Tous les deux allèrent au-devant de lui, l'engagèrent à laisser la vie à ce pauvre animal et à ne plus s'en occuper. « Cependant, s'écria Wang Qin, si ce n'eût été votre petit-fils qui l'a découvert, peut-être cet animal endiablé aurait repris son livre. Ces bêtes-là ont des moyens magiques, interrompit l'hôtelier. Je crains bien qu'ils n'inventent quelque autre ruse pour vous dérober ce que vous leur avez pris. Désormais, ajouta Wang Qin, cette aventure du renard va être, dans la bouche de bien des gens, un sujet de raillerie. Il faut absolument que d'un coup d'épée je traverse cette maudite bête et tout sera dit. » Il revint donc à l'hôtel, mais les marchands voyageurs qui occupaient les chambres voisines à droite et à gauche ayant appris l'histoire, la tinrent pour merveilleuse et accoururent pour en connaître les détails. Ils firent tant de questions qu'ils en avaient le gosier cuisant et la langue sèche. Après avoir fini de souper, Wang Qin remonta dans son appartement pour prendre du repos, et il pensait en lui-même que, puisque ce renard témoignait tant de désir de recouvrer son livre, ce devait être un objet précieux, et il se promit bien de le tenir caché avec tout le soin possible. Mais dès la troisième veille de la nuit, on entendit frapper à la porte, et une voix disait « Rendez, rendez-moi vite mon livre, et je saurai trouver un moyen de vous témoigner ma reconnaissance. Mais si vous ne voulez pas me le donner, il vous arrivera des choses fâcheuses. Ne vous préparez donc pas des regrets pour l'avenir. » Ces paroles jetèrent Wang Qin dans un grand accès de fureur. Il se revêt à la hâte de ses vêtements, se lève, saisit son épée, et pour ne pas réveiller brusquement les voisins, il sort de sa chambre tout doucement. Mais au moment où il va pour ouvrir la grande porte, il s'aperçoit que déjà l'aubergiste est descendu la fermer à clé. « Avant que je l'aie appelé et qu'il soit venu lever ses verrous, pensa Wang Qin, la diable de bête se sera esquivée et je ne pourrai la traverser de mon épée. J'aurai vainement provoqué le mécontentement et le déplaisir de ceux qui dorment autour de moi. » Il vaut donc mieux pour l'instant réprimer une colère passagère, et demain matin je saurai prendre mes mesures. » Là-dessus, il revint dans sa chambre et se disposa à dormir comme auparavant. Mais le renard recommença ses lamentations à plusieurs reprises, de telle sorte que les gens de l'hôtellerie, ayant tous, jusqu'au dernier, entendu ses plaintes, se réunirent en masse le lendemain matin et firent des observations à Wang Qin. « Puisque vous ne pouvez, lui dirent-ils, déchiffrer un seul caractère de ce livre, à quoi bon le garder? Rendez-le donc, ça vaut mieux, et tout sera fini. Assurément, il vous en arrivera quelque chose de fâcheux, et il sera bien temps alors de vous repentir. » Si Wang Qin avait pu savoir où cette affaire le mènerait, il eût suivi les conseils de ses voisins et rendu le livre au renard fée. Tout eût été fini ainsi. Mais non, c'était un homme entêté et orgueilleux. Il n'écouta les avis de personne, et dans la suite, ce renard surnaturel, s'acharnant sur ses biens, se fit un malin plaisir de le ruiner de fond en comble. On dit avec raison, si vous ne voulez pas suivre les avis des gens de bien, vous ressentirez infailliblement des chagrins et vous verserez des larmes. Après déjeuner, Wang Chin régla avec l'aubergiste. Les bagages furent chargés sur les bêtes de somme, il monta à cheval et entra dans la capitale. À mesure qu'il regardait autour de lui sur sa route, il voyait des maisons en ruine, à peine quelques rares habitants. Les places et les marchés se montraient tristes et déserts. Ce n'était plus là l'aspect si brillant des jours d'autrefois. Quelle différence! Arrivé devant son ancienne demeure, il regarde et ne distingue plus qu'un amas de briques et de pierres. Un tel spectacle le jeta dans une tristesse qu'il ne put surmonter. Il ne lui restait ni toit ni abri. Wang fut donc obligé de chercher un logement dans une hôtellerie. Après y avoir fait porter ses bagages, il s'en va chercher des nouvelles de sa famille. Les habitants étaient fort clairsemés. Pendant le bonjour d'arrivée, chacun raconte les événements qui ont laissé des traces dans son souvenir. Et quand on arrive à l'endroit sensible où le cœur est blessé, ce sont des torrents de larmes qui baignent et inondent le visage. « Je voulais, » dit à son tour Wang Qing, « revenir me fixer dans ma patrie, mais j'étais loin de me douter que ma maison ne fût plus qu'un amas de décombres. Hélas, il ne me reste plus de demeure. » « Depuis que les révoltes militaires ont éclaté, » reprirent les parents de Wang, « combien de personnes ont été violemment séparées? Le père au sud, le fils au nord, les uns sont prisonniers, les autres ont été tués. Nous avons eu à souffrir des calamités sans bornes. Et si nous tous présents ici avons pu échapper au glaive dont la pointe nous menaçait, ce n'est pas sans peine que nous sommes arrivés vivants jusqu'à ce jour. » Vous autres, gens riches, grands seigneurs, qu'aucune affaire ne retenait, vous avez tout simplement quitté votre maison et il ne vous est rien arrivé de bien fâcheux. D'ailleurs, c'est bien que vous aviez abandonné, nous en avons pris soin. Grâce à nous, vous retrouverez vos terres dans le même état. Si donc vous avez le désir de vous fixer de nouveau dans cette ville, réparez les dommages causés par le désastre, et il vous restera encore de quoi remonter une brillante maison. » Ces conseils furent accueillis avec reconnaissance par Wang Qin. Il acheta une maison dans laquelle il put loger, fit emplette de tout ce qui était nécessaire pour la meubler, puis il y ajouta un jardin et vécut tranquille et paisible. 2 mois venaient de s'écouler ainsi, lorsque Wang Qin, étant sorti à la porte de sa maison, vit un homme qui arrivait du côté de l'est et se dirigeait vers lui. Vêtu de deuil de la tête aux pieds, malgré le paquet attaché sur son épaule, cet homme marchait comme s'il eût eu des ailes, et bientôt il fut près de lui. Wang Qin lève les yeux, regarde. Quelle surprise! Cet individu n'est rien autre que Wang Liu, domestique de sa maison. « D'où viens-tu, Liu ? » s'écrie Wang Qin. « Que veut dire ce vêtement de deuil ?» Dès qu'il entend prononcer son nom, le domestique se hâte de répondre. « Ah, vous voilà ici, mon maître. J'ai ordre de vous chercher jusqu'à extinction. »« Mais dis-moi donc vite ce que veut dire ce costume. » « Il y a une lettre, mon maître, une lettre qui vous mettra au fait de tout. » Et le domestique, déposant son paquet à terre, l'ouvre et en tire la lettre qu'il remet à Wang Qin. Celui-ci se hâte de la décacheter. Il regarde. C'est l'écriture de sa mère, et le billet contenait ce qui suit. « Après votre départ, nous avons appris la nouvelle de la seconde révolte de Shi Se Ming. Nuit et jour accablé d'inquiétude et d'anxiété, je suis bientôt tombé gravement malade. La médecine et les prières restent sans effet. Tôt ou tard, il faut être inscrit sur le livre des morts. Mais j'ai déjà dépassé 12 lustres, et mon trépas n'aura rien de prématuré. Seulement, je m'afflige des troubles qui ont éclaté dans cette année fatale et qui me forcent de mourir étrangère dans un pays éloigné, sans que ni vous ni votre jeune frère puissiez me rendre les derniers devoirs. Je ressens une profonde douleur, mais je ne veux pas être enseveli dans une terre lointaine. Cependant, je songe avec effroi que les rébellions sont flagrantes, Je crains que la capitale ne revienne pas de sitôt dans son ancien état de tranquillité et qu'elle ne soit pas habitable. Ainsi, à mes derniers instants, j'ai pensé qu'il valait mieux laisser tout à fait les biens ruinés et à moitié perdus que vous avez là-bas et revenir ici vous occuper du soin des funérailles. Après que vous aurez emmené mon corps pour le rendre à la terre au lieu désigné, allez dans le Kiangtong. C'est une terre fertile et peuplée. Les mœurs des habitants sont douces et hospitalières. D'ailleurs, combien il serait difficile de fonder à la capitale une maison comme celle que nous avions auparavant. Ainsi, n'agissez point avec une légèreté qui compromettrait vos intérêts. Attendez que le bouclier et la lance soient en repos. Alors vous pourrez songer à vous fixer de nouveau dans la capitale. Si vous désobéissiez à mes ordres, vous attireriez sur vous une série de malheurs dans lesquels vous seriez enveloppé. Vous rendriez inutiles les sacrifices et les prières, et même lorsque vous viendriez au bord des neuf fontaines, je vous jure que nous ne serions pas réunis. Lisez et retenez ceci. Les neuf fontaines sont les régions inférieures. À cette lecture, Wang Qin tomba à terre en sanglotant. « J'espérais, en venant ici, s'écria-t-il, rétablir ma maison dans son ancienne splendeur et me fixer dans ma patrie. Et voilà qu'au contraire la douleur et l'inquiétude que lui cause mon absence conduisent ma mère au tombeau. Et encore, si je l'avais su plus tôt, mais je ne puis arriver à temps, tout est fini, mes regrets sont impuissants. » Après s'être ainsi désolé, il demanda au domestique Wang Liu si sa mère ne lui avait point adressé d'autres recommandations à son heure dernière. « Non, répondit le serviteur Liu, seulement elle a ajouté ceci en insistant beaucoup. Vos terres et les biens que vous possédez ici sont dans un complet état de ruine, et les choses sont devenues pires encore par suite de la révolte de Shi Se Ming. La capitale éprouvera de nouveaux bouleversements. Elle ne pourra rester dans cette tranquillité momentanée. Ainsi donc, mon maître, décidez-vous. Il faut abandonner la ville et vos biens pour aller vous occuper des soins des funérailles. Et après que le corps de votre mère aura été conduit par vous dans la tombe, le Fan Chuen vous offrira, comme par le passé, une retraite assurée contre les désordres et les révoltes. Si mon maître se refusait d'obéir aux volontés de sa mère mourante, la pauvre dame ne pourrait fermer les yeux en paix. Oserais-je ne pas accomplir les ordres que me dicte ma mère expirante? S'écria Wang Qin. Le pays de Kiangtong, d'ailleurs, est une contrée fort habitable, tandis que la capitale est en proie à des guerres civiles incessantes. Ce qu'il y a de mieux, c'est encore de fuir cette ville. Et aussitôt il s'empressa de faire confectionner des habits de deuil et de faire préparer le cercueil. Puis d'un côté il envoya des hommes élever la terre du sépulcre, et de l'autre donna commission de vendre sa maison et ses terres. Après être resté 2 jours à Chang'an, le domestique Wang Liu objecta à son maître que tous ces préparatifs d'élever un sépulcre et de l'entourer d'une muraille de terre demanderaient bien 1 mois entier, et comme on l'attendait avec impatience à la maison, il valait mieux qu'il partît en avant pour tranquilliser ceux qui étaient restés. Wang Qin approuva cet avis, et il avait eu la même idée. Il écrivit donc une lettre, la remit au domestique avec tout l'argent dont il avait besoin pour sa route, et l'expédia vers le Fan Chuen. Au moment où il était sur le seuil de la porte, le domestique dit encore à son maître, « Bien que je parte en avant, sa seigneurie ne doit pas oublier qu'il faut au plus vite quitter ces lieux et revenir près des siens. »« Hélas, répondit Wang Qin, que ne puis-je dès à présent être libre, je volerai vers ma demeure. » Ces instances sont superflues. » Une fois dehors, le domestique s'éloigna et disparut. Cependant, dès qu'ils apprirent cette nouvelle, les parents de Wang Qin vinrent tous pour lui faire des compliments de condoléances, et ils lui conseillèrent aussi de ne pas s'exposer à trop perdre sur ses terres en les vendant sans réflexion. Mais tourmenté par les dernières volontés de sa mère, Wang Qin s'obstina et n'eut point égard à leurs avis. Dans son empressement, dans sa précipitation, il se dessaisit à moitié prix de ses biens qui avaient une grande valeur. À peine s'il put au bout de 20 jours faire élever le tertre et creuser la caverne au milieu de l'édifice funéraire. Lorsque tout fut achevé dans le plus grand détail, il disposa ses bagages et partit de Chang'an, emmenant avec lui son domestique. À la clarté des étoiles au milieu de la nuit, il se dirigea rapidement vers Qiangtong, impatient de rencontrer le char mortuaire et de veiller aux cérémonies funèbres. Hélas, ce voyage vers la capitale entrepris, les armes à la main, lui cause bien des regrets. Il lui faut changer de résolution et suivre le cours du fleuve en retournant à l'est. C'est en vain que dans la capitale du nord, il se livre à des rêves brillants, car le ciel commande aux larmes qui baignent le visage comme nuées argentées qui se déroulent. Second chapitre. Nous laisserons donc Wang Qin continuer sa route et nous reviendrons à sa mère et à son épouse qui étaient restées dans leur demeure de Fanchuan. La nouvelle de la révolte de Shi Se Ming était arrivée aux oreilles des deux dames et elles passèrent les jours et les nuits dans l'inquiétude et la tristesse en songeant à leur fils et à leur époux. Elles se repentaient cruellement de l'avoir laissé partir. 2 ou 3 mois s'étaient écoulés lorsqu'un jour un des serviteurs vint annoncer que Wang Fo, le domestique affidé du maître absent, arrivait de la capitale et avait une lettre à présenter. À ces mots, les deux dames donnent l'ordre de faire entrer ce Wang Fo, et celui-ci, frappant la terre de son front, remit la missive dont il était porteur. On remarqua que ce Wang Fo avait l'œil droit entièrement perdu, mais sans prendre le temps de le questionner à ce sujet, les dames ouvrirent la lettre et y lurent ce qui suit. « Depuis que je me suis éloignée d'auprès de vous, grâce à la protection que le ciel vous accorde, j'ai toujours joui d'une excellente santé. Arrivé à la capitale, j'ai fait une inspection détaillée de nos propriétés. Par bonheur, rien n'a souffert, et tout a continué d'être comme par le passé dans un état satisfaisant. Enfin, pour surcroît de bonheur, j'ai fait rencontre de mon ami Hupa, le juge, qui m'a introduit chez le premier ministre, et je lui dois bien de la reconnaissance pour sa bienveillante attention, car il m'a nommé à une magistrature dans le Yeousou. J'ai déjà reçu ma nomination officielle, et comme l'époque à laquelle je dois entrer en fonction est assez rapprochée, je vous envoie tout exprès Wang Fo, qui doit vous remettre cette lettre à toutes les deux. Dès que vous l'aurez reçue, hâtez-vous de vendre les propriétés que nous avons achetées dans le Qiangnan et accourez à la capitale avec la rapidité de la foudre, ne vous arrêtez pas à de frivoles détails. Le temps où je dois partir pour le Yeousou approche. Comme nous allons bientôt être réunis, cette lettre ne contient que ce qu'il est strictement utile de vous annoncer. Qin vous salue 1000 fois. » Quand les deux dames eurent pris connaissance de cette lettre, elles ne purent contenir leur joie et demandèrent alors à Wang Fo ce qui lui avait mis l'œil dans un si triste état. « Ce n'est guère la peine d'en parler, » répondit le domestique. « Comme je m'étais endormi de fatigue sur mon cheval, j'ai fait une chute par hasard et voilà ce qui m'a blessé. » On l'interrogea aussi sur l'aspect qu'offrait la capitale dans ces derniers temps. Tout y était-il comme autrefois? Les parents étaient-ils tous vivants dans Chang'an? À ces questions, l'envoyé répondit. « Toute la ville est au moins à moitié ruinée. Il s'en faut bien qu'elle ressemble à ce qu'elle était auparavant. Parmi vos parents, il y en a de morts, il y en a qui sont prisonniers, d'autres encore ont pris la fuite, et il y a peu de maisons qui soient restées intactes. De plus, on a pillé et volé les meubles et les objets précieux, incendié et détruit les habitations, confisqué les biens de la campagne. Vos propriétés, terres, jardins et maisons sont les seuls qui n'aient eu absolument rien à souffrir. » Ces nouveaux détails augmentèrent beaucoup la joie et la satisfaction des deux dames. « Quoi ? S'écrièrent-elles. Nos biens n'ont pas été touchés, et encore, Wang Chin a été nommé à une magistrature. Tant de bonheur est dû à la protection du maître suprême du ciel et de la terre. Nous ne pouvons assez lui en témoigner notre reconnaissance. Quand le moment sera venu, il faudra la lui prouver en faisant de bonnes œuvres et renouveler nos prières à l'occasion de cet événement, afin que dans l'avenir, les magistratures devenant plus importantes encore, la prospérité et les appointements aillent toujours croissant. Puis elles ajoutèrent en s'adressant à Wang Fo, « Ce Hu Pa, ce juge dont il est question dans la lettre, qu'est-ce ?»« C'est un ami de mon maître, » répondit le domestique. « Jusqu'ici, » répartit la mère de Wang Chin, « je n'avais jamais entendu dire qu'il y eût un magistrat de ce nom ami de mon fils. » « C'est peut-être, » ajouta la bru, « une nouvelle connaissance de mon mari avec lequel nous n'avons point eu de relation. » Wang Fo, prenant part à la conversation, assura à ces dames que l'individu en question était effectivement une nouvelle connaissance de son maître, et il demanda qu'on le chargeât bien vite d'une réponse. La mère de Wang Chin objecta au domestique qu'après un voyage aussi fatigant, il devait manger pour se refaire et prendre un peu de repos au moins jusqu'au lendemain. « Madame, reprit à son tour Wang Fo, les dispositions qu'il vous faut faire pour le départ demanderont bien quelques jours. Mon maître est seul dans la capitale. Il n'a personne pour le servir. Il est impatient de voir arriver en avant un serviteur afin de tout préparer pour le départ. Et si j'attends que madame se mette en marche, comment mon maître pourra-t-il arriver à l'époque voulue au lieu de sa charge ?» Cette observation parut très juste à la mère de Wang Chin. Elle écrivit donc la réponse demandée, donna au domestique l'argent dont il avait besoin pour la route et l'expédia en avant. Aussitôt après le départ de ce Wang Fo, la vieille dame vendit complètement tout ce qu'il possédait dans le Fanchuen, terre, maison, meubles et ustensiles, et ne garda que quelques bagatelles. Puis, dans la crainte de faire manquer par ses lenteurs l'époque fixée pour l'entrée en fonction, elle ne s'arrêta point à trouver un bon prix de ses divers articles. Elle donna en offrande la moitié de la valeur et chargea un bonze d'employer cet argent en bonnes œuvres. Enfin, elle loua un bateau de mandarin et choisit un jour heureux pour se mettre en marche. Pendant les derniers instants de leur séjour, la maison fut pleine du matin au soir de jeunes dames du voisinage qui venaient faire des visites d'adieu. Toutes allèrent conduire à leur bateau la mère et l'épouse de Wang Chin qui s'embarquèrent et partirent. S'éloignant donc du Fanchuen, elles traversèrent joyeusement le Houfu et le Tangkweicheu. Après avoir débouché dans le Taikang, le bateau fit route droit devant lui dans la direction de la capitale. Les servantes des deux dames, pour célébrer la nomination de leur maître à une charge importante, exécutaient des danses sur le pont. Et cependant, ce n'était pas le cas de s'exalter ainsi. Quand il fuit vers le sud pour échapper au désastre, il a lieu de s'affliger. Qui peut savoir quand les honneurs et les richesses viennent au-devant de nous? Les serviteurs de cette famille triomphante célèbrent leur joie par des chants et des danses. Au jour fixé, des nuages se dérouleront encore sur le ciel de la capitale. Mais revenons à Wang Chin que nous avons laissé tournant les talons à la capitale et marchant vers le Fanchuen. Il lui avait fallu moins d'un jour pour arriver au lieu d'embarquement dans le Yangcheu. Là, il fit déposer ses bagages dans une hôtellerie, congédia ses bêtes de somme et après son repas, il envoya Wang Fo, son valet, au bord du fleuve pour retenir un bateau. Lui-même, il était assis à la porte de l'hôtellerie, occupé à veiller des yeux sur son bagage, lorsqu'il voit au milieu du fleuve un bateau qui s'avance. Il regarde, c'est un bateau de mandarin qui remonte le courant. À la proue sont 4 ou 5 domestiques qui font éclater leur joie par des cris et des chants. Ils sont au comble de l'allégresse. Le bateau marche toujours, il approche. Wang Chin regarde encore. Ce ne sont point des étrangers, mais tout simplement les gens de sa maison. Cette vue le laisse stupéfait. Comment se fait-il que les serviteurs de chez moi se trouvent sur un bateau de mandarins? Probablement, à la mort de ma mère, ils auront passé au service d'une autre personne. Et comme il était en proie à cette incertitude, voici que devant le treillage qui ferme la porte de la cabine, une jeune fille s'avance, met sa tête hors du balcon et regarde. Wang Chin fixe sur elle des yeux attentifs et scrutateurs. C'est la servante de l'appartement de sa femme. En vérité, c'est miraculeux, songe à Wang Chin. D'un pas rapide, il s'élance pour avoir l'explication de ce mystère, et au même instant, tous les gens qui étaient sur le pont du bateau s'écrièrent d'une seule voix en l'apercevant. « Quoi? Notre maître est ici? Comment cela se fait-il? Et que signifient les habits de deuil dont il est revêtu ?» Aussitôt, ils dirent au patron de conduire le bateau vers le rivage et courent dans leur étonnement à la cabine de l'arrière avertir les deux dames qui lèvent le treillis de bambou et regardent de leurs propres yeux. Or, Wang Chin, qui dirigeait son attention de ce côté, aperçut sa mère vivante devant lui. À cette vue, il arrache en toute hâte ses vêtements de toile et tire de son paquet, resté près de lui, d'autres habits plus convenables, ainsi qu'un bonnet. Et tous les gens de sa maison, qui étaient déjà sautés à terre, se pressent à sa rencontre. Wang Chin fait porter ses bagages dans le bateau et lui-même passe à bord pour aller voir sa mère. D'un regard, il découvre sur le devant du pont Wang Liehu, le domestique porteur de la lettre fatale, et sans plus de questions, il l'arrête au collet et va le frapper. La mère de Wang Chin s'élance pour retenir son fils. « Le domestique n'a commis aucune faute. Pourquoi se jeter sur lui et le menacer ?» Dès qu'il a vu sa mère sortir de la cabine, Wang avait lâché son serviteur et saluait respectueusement la vieille dame. « N'est-ce pas ce scélérat, lui dit-il, qui est venu m'apporter à la capitale une lettre de vous, ma mère, une lettre qui m'annonçait votre mort prochaine? N'a-t-il pas été cause que j'ai manqué de piété filiale en me présentant devant vous en habit de deuil ?»« Quoi ? » reprit la vieille dame. « Il est resté constamment à la maison ? Comment aurait-il pu vous porter une lettre à la capitale ?»« Mais enfin ! Il y a un mois, ce Wang Liehu m'a remis une lettre de ma mère, une lettre qui contenait telle et telle chose, donnait tel et tel avertissement. Il est resté 2 jours près de moi, puis je l'ai expédié en avant pour aller rassurer et consoler ceux qui vivaient encore. Après cela, j'ai vendu mes biens, et partant en pleine nuit à la lueur des étoiles, je suis accouru. Comment dites-vous qu'il n'est pas venu à Chang'an ? Tout le monde resta stupéfait à ces paroles. « C'est vraiment une merveilleuse aventure. Y a-t-il donc un autre Wang Liehu parfaitement semblable à celui-ci ? » Wang Liehu lui-même éleva la voix d'un air moqueur. « Maître, dit-il, ne prétendez pas que votre serviteur soit allé à la capitale. C'est un Wang Liehu rêvé que vous avez vu, et non un être réel. »« Eh bien, interrompit la mère de Wang Chin, « voyons, montrez cette lettre que je vois si l'écriture est de moi. »« Eh, si ce n'eût été l'écriture de ma mère, » reprit Wang Chin, « aurais-je pu ajouter foi à cette lettre » Là-dessus, il déploie ses bagages, en tire la lettre, la regarde. C'était bien une feuille de papier, mais y restait-il quelques traces de caractère? Voyant l'air stupéfait de Wang Chin, debout, les yeux ouverts et la bouche béante, occupé à tourner en tous sens et à parcourir du haut en bas la feuille mystérieuse, sa mère lui dit « Où donc est-elle, cette lettre? Montrez-la-moi, que je la regarde. » « Hélas, répondit Wang, ne vous fâchez pas, mais ce papier qui contenait tant de paroles, comment se fait-il qu'il se soit transformé en une feuille toute blanche ?»« Je vous le disais bien, reprit la vieille dame toujours incrédule, Depuis votre départ, il n'a pas été échangé entre nous une seule lettre, si ce n'est ces jours derniers que vous m'avez envoyé votre domestique Wang Fo. Je lui ai remis une réponse à la missive qu'il m'apportait et l'ai dépêché en avant. Assurément, il y a eu un faux Wang Liehu, porteur d'une fausse lettre dont vous avez été dupe. Et maintenant, vous dites que les caractères ont disparu de dessus le papier. Quel était donc l'habile fripon de qui venaient ces paroles diaboliques ? Quand Wang Qin entendit parler d'un prétendu Wang Fo qui était allé de sa part dans le Fan Chuen, son étonnement et son effroi furent au comble. « Mais Wang Fo, mon domestique, est toujours resté à Chang'an ? » s'écria-t-il. « Il est venu avec moi jusqu'ici. Quand est-ce qu'il a été envoyé porter de ma part une lettre à ma mère ?» Les deux dames, à leur tour, poussèrent un cri de surprise. « En vérité, voilà qui est plus extravagante encore, » répondirent-elles. « Le mois dernier, Wang Fo nous a remis un message portant que nos biens étaient restés intacts au milieu de la capitale et qu'un certain juge appelé Hu Pa, rencontré par hasard, vous avait introduit près du premier ministre, lequel vous avez nommé à une magistrature. Enfin, vous nous avez enjoint de vendre tout ce que nous possédions dans le Kiangnan et d'arriver dans la capitale avec la rapidité de la foudre, étant vous-même sur le point de partir pour entrer en fonction. Ainsi, après nous être débarrassés des propriétés, nous avons loué un bateau pour faire notre entrée dans Chang'an. Et vous dites encore que votre domestique n'est pas venu faire un voyage vers nous ? Wang Qin était confondu. « C'est là une diabolique affaire » s'écria-t-il. « A-t-il jamais existé un juge Hu Pa qui m'ait conduit chez le premier ministre ? Est-ce que j'ai été nommé à un emploi ? Est-ce que je vous ai jamais envoyé une lettre ?» « Mais enfin, reprit sa mère, est-ce que par hasard il y aurait un faux Wang Fo ? Appelez-le vite, je veux l'interroger. »« Il est allé louer des bateaux, » répondit Wang Qin, « mais il ne tardera pas à rentrer. » Tous les domestiques s'assemblent à la proue et dirigeant leurs regards vers la rive, ils voient Wang Fo qui revenait en courant, vêtu de la tête aux pieds d'habits de deuil. Ils l'appellent par leurs gestes, lui font des signes, et le pauvre domestique, qui reconnaît ses compagnons, se demande avec étonnement par quel hasard il les trouve en cet endroit. Il s'approche davantage, et quand il arrive près du bateau, les domestiques, en le considérant de plus près, constatent qu'il existe une différence entre ce Wang Fo et celui des jours précédents. Et c'est que l'œil droit du prétendu envoyé était dans le plus déplorable état, tandis que ce vrai Wang Fo ouvre une paire d'yeux larges, vifs, clairs et brillants comme une clochette de cuivre. « Wang Fo !» s'écrièrent-ils tous à la fois, du haut du bord. « Ces jours derniers, tu avais l'œil droit bien malade. Comment se fait-il que tu sois si bien rétabli aujourd'hui ?» « C'est-à-dire, répondit Wang Fo avec un air et un ton ironique, c'est-à-dire que vous-même, vous avez perdu la vue. Est-ce que j'ai fait un voyage à la maison ? Parlez-vous donc ainsi pour me donner une malédiction et me causer la perte d'un œil ?» Définitivement, se dirent en souriant les autres domestiques, il y a de la diablerie dans cette affaire. La mère de notre maître est là qui t'appelle dans la cabine. « Ôte donc vite tes habits de deuil et cours te présenter devant elle. » À ces paroles, le serviteur resta confondu. « Quoi ? La mère de notre maître vit encore ? Elle est ici ? » ?»« Mais, » répondirent les domestiques, « où serait-elle donc partie pour n'être pas ici ?» Wang Fo n'en croyait rien et s'obstinait à ne pas quitter ses habits de deuil. Il s'en va se présenter brusquement à la porte de la cabine, et là son maître l'arrête d'une voix sévère. « Misérable, ma mère est vivante, elle est ici, et tu ne te dépouilles pas de ses vêtements de tristesse pour paraître devant elle ?» Le pauvre domestique sortit donc précipitamment pour aller changer d'habit et revint, sous un costume plus convenable, se prosterner devant la mère de son maître. Or, la vieille dame frottait et essuyait ses vieux yeux. Elle regarde attentivement le domestique et crie « Ô miracle ! Le Wang Fo qui est venu ces jours derniers avait à l'œil droit une blessure grave et celui-ci à la vue parfaitement saine. Définitivement, l'homme de l'autre fois, ce n'était pas lui. Aussitôt, elle s'empresse d'atteindre la lettre, l'ouvre, jette un regard. Ce n'était ni plus ni moins qu'un papier blanc sur lequel on ne voyait aucune trace d'écriture. Tout le monde fut saisi de trouble et de surprise. On ne pouvait s'expliquer ni ces transformations, ni la cause de ces mauvais tours. Mais par suite de cette double déception, la famille Wang avait des deux côtés à la fois porté un coup mortel à sa fortune, et on pouvait craindre pour l'avenir de nouveaux pièges du même genre. Aussi, on était effrayé, inquiet, on ne savait sur quoi compter. Wang Chin lui-même, fort agité, demeura la moitié du jour absorbé dans de sérieuses pensées. Puis, il lui vint une idée à propos de ce prétendu Wang Fo blessé à l'œil gauche, et quoique vaguement éclairé sur ce mystère, il devina juste et s'écria « C'est cela, j'y suis. Ce doit être cette bête endiablée qui s'est transformée ainsi pour se jouer de moi. » « Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demanda sa mère. Wang Chin raconta l'aventure de la forêt, l'arrivée du renard blessé dans l'hôtellerie, ses instances pendant la nuit, ses plaintes dans la cour de l'auberge, et il ajouta « À cette époque, je pensais bien que cet animal enragé s'était métamorphosé en homme pour venir reprendre son livre, mais ne pouvant prévoir qu'il pousserait si loin ses intelligentes diableries, je n'étais point en mesure de les repousser. » À ces paroles, tous les gens de la maison secouèrent la tête en se mordant la langue. « Ces renards, dirent-ils, ont de diaboliques moyens de nuire. Malgré la distance, ils ont pu employer la ressemblance dans l'écriture et la physionomie des personnes pour tromper cette famille séparée et s'en faire un jouet. » Plut à Dieu que notre maître eût pu deviner ce qui le menaçait. Il eut rendu le livre et tout était fini. « Non, répartit Wang Chin, puisque j'ai eu à souffrir les insolences de ces méchantes bêtes, c'est une raison de plus pour garder près de moi ce livre mystérieux. Si de nouveaux malheurs m'enveloppent encore, je jette dans les flammes ce misérable objet, source de tant d'infortunes. » « Hélas ! Interrompit son épouse. « Les choses en sont à tel point qu'il ne faut pas tenir de vains discours, mais prendre un parti sérieux et raisonnable. Où demeurer maintenant? Je n'en sais rien. Et encore, quel moyen de subsistance nous reste-t-il ?»« Nos biens de la capitale sont vendus, reprit Wang Chin. Je ne sais plus que faire. Et d'ailleurs, il y a bien loin pour y retourner. Le mieux est encore d'aller au Qiangtong. » Mais s'écria à son tour la mère de Wang Chin. « Les propriétés de Qiangnan n'existent plus, tout est entièrement vendu, où habiter maintenant ?»« Puisque les circonstances nous y forcent, répondit Wang, nous y prendrons une maison à loyer et nous nous y installerons de nouveau. » Là-dessus, ils orientent en sens contraire la proue du bateau et se dirigent sur le Qiangtong. Les domestiques, partis naguère dans un accès de joie et d'enthousiasme, s'en retournaient dans un morne abattement, pareils à une poupée dont les fils sont brisés, leurs pieds et leurs mains retombaient sans mouvement. Aucune parole ne sortait de leur bouche. Eux qui étaient venus dans l'exaltation du triomphe, ils s'en allaient dans l'humiliation de la défaite. Arrivé dans le Fanchuen, Wang Chin débarqua le premier avec les gens de sa suite. À une petite distance de l'ancienne demeure, il loua une habitation, et après avoir employé quelques jours à meubler cette maison, quand tout fut prêt pour recevoir sa mère et sa femme, il fit apporter les bagages et installa les deux dames. Puis, quand ces interminables préliminaires furent achevés, accablé par le chagrin, dominé par la colère, il ne voulut plus sortir et couva sa tristesse dans son intérieur. Cependant, les voisins, surpris de voir revenir les deux dames dont ils avaient reçu les adieux, vinrent en masse pour savoir la cause de ce retour, et Wang Chin satisfit à toutes leurs questions. L'aventure fut tenue pour merveilleuse par tout le monde. Elle passa de bouche en bouche et fit bientôt le tour de la ville principale du Fanchuen. Un jour que Wang Chin était assis dans la grande salle, occupé à surveiller les travaux des gens de sa maison, il vit entrer un individu qui arrivait rapidement du dehors. Son extérieur était grave et majestueux, ses vêtements pleins d'élégance et bien arrangés. Or, ce qu'il aperçut, c'était un homme ayant sur la tête un bonnet de gaze noire tel qu'on en portait au temps des Tang. Le vêtement qui couvre tout son corps est une robe de soie verte comme celle des Taosé. Des pierres d'une couleur azurée et des morceaux de jade étincellent autour de son bonnet. De longs fils de soie de nuances diverses descendent de sa large ceinture au bas de son ample tunique. Ses chaussettes de soie semblent deux nues blanches comme la neige, et la semelle en est brillante comme deux nues empourprées. Son aspect est imposant. Toute sa personne respire une élégance qui n'a rien de terrestre. Les colliers qui flottent doucement sur sa poitrine feraient rougir de colère la brume glacée. Si ce n'est un génie immortel habitant des cieux, c'est au moins un monarque parmi les hommes. L'étranger entra donc tout droit dans la grande salle, et tandis qu'il le regarde avec attention, Wang Chin reconnaît son jeune frère Wang Tse. Celui-ci le salue affectueusement et demande comment il s'est porté depuis leur séparation. « Mon sage frère, dit Wang Chin en répondant à ses politesses, je me félicite de ce que vous soyez venu me chercher ici. Quand j'arrivais à la capitale, reprit Wang Tse, pour rentrer dans notre ancienne demeure, j'ai vu que nos propriétés s'étaient changées en un désert et je m'écriais « S'il avait été enveloppé dans les désastres de la guerre civile, quel malheur !» Je pris donc des informations auprès de nos parents et de nos amis et ils m'apprirent que vous étiez allé dans le Kiangtang chercher un abri contre les troubles. On me dit aussi qu'arrivé vous-même il y avait peu de jours dans la capitale, vous étiez occupé à rétablir nos propriétés lorsque la nouvelle de l'état désespéré de notre mère vous avait déterminé à quitter de nouveau Chang'an en marchant précipitamment la nuit à la clarté des étoiles. À mon arrivée ici, j'ai d'abord été frappé à la porte de notre précédente demeure, mais les voisins ont répondu que, depuis peu de temps, vous aviez transporté votre habitation en ce lieu. Cependant, notre mère est en bonne santé. Aussi, je suis allé dans mon bateau changer mes vêtements de deuil. Mais enfin, puisque celle que nous avons crue morte est vivante, pourquoi donc êtes-vous venu vous fixer dans cette maison qui ne paraît pas encore habitable ? Tout cela ne peut être raconté d'un seul mot, répondit Wang Qin. En attendant, venez voir notre mère et vous apprendrez ses aventures en causant avec elle. Là-dessus, il introduisit son frère dans l'appartement du fond, près de la vieille dame, que les domestiques avaient déjà informée de l'arrivée de Wang Tse. Or, dès qu'elle sut que son jeune fils était de retour, la mère de Wang Tse fut au comble de la joie. Elle s'élança au-devant de lui pour le voir. Lui-même, il se jeta aux pieds de celle qu'il avait quittée depuis si longtemps, et lorsqu'il se releva, elle lui dit « Mon fils, jour et nuit, je songeais à vous. Comment vous êtes-vous porté pendant cette longue absence ?» Et Wang Tse remerciait affectueusement sa mère de son bon souvenir. Puis, en attendant qu'il pût voir sa belle-sœur, il désira apprendre de la bouche de la vieille dame les détails des vicissitudes passées. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de l'épouse de Wang Chin qui vint voir son beau-frère, accompagné des femmes de sa maison. Les deux frères sortirent de l'appartement de leur mère, et la jeune dame les ayant suivis, tous les trois s'assirent dans la grande salle. Là, le nouvel arrivé demanda le récit des malheurs dont ils avaient tous été victimes, et Wang Chin satisfit à ses questions en lui racontant l'aventure des renards et les événements qui en étaient résultés. « Croyez-moi, dit alors Wang Tse, tout cela était dès les temps anciens décrété par le destin. Voilà pourquoi ces calamités vous ont assailli. Ne vous en prenez donc à vous-même et non à ces pauvres animaux. Ces deux renards lisaient tranquillement dans la forêt et vous, vous passiez sur la grande route. Ainsi, ils ne vous gênaient en rien du tout. Pourquoi donc les maltraiter? Pourquoi voler leurs livres? Plus tard, dans l'hôtellerie, ils sont venus vous témoigner leur douleur, leur regret de la perte de cet objet. Ils sont venus pour vous le reprendre. Malgré tout, leur désir n'a pu être réalisé, et vous vous êtes obstiné à ne pas rendre le livre. Bien, mais pourquoi cette mauvaise pensée de vous jeter sur votre épée pour les égorger à l'instant? Plus tard encore, quand ils sont revenus avec des observations sévères mais honnêtes, vous réitérez instamment leurs prières. Vous avez refusé avec entêtement d'acquiescer à leurs demandes. Et puis, remarquez, vous ne pouvez déchiffrer un mot de ce livre. Jamais de votre vie vous n'en pourrez faire usage. À quoi bon le garder? Maintenant, vous voyez, grâce à leur mauvais tour, vos affaires dans un déplorable état. Assurément, vous ne devez en accuser que vous seul. C'est précisément ce que je dis à mon mari, interrompit l'épouse de Wang Qin. Enfin, à quoi peut lui servir ce livre? Et voilà dans quel dédale de mots il nous a jetés. Aux réprimandes que son jeune frère lui adressait, Wang Qin ne répondit rien du tout, mais au fond de son cœur, il était froissé. Et ce livre, reprit Wang Tsui, est-il volumineux? En quel caractère est-il écrit? Il est assez grand, répondit le frère aîné. Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Je n'en sais rien. Il n'y a pas un caractère que je connaisse. Voyons, montrez-le-moi un peu, demanda Wang Tsui. En effet, interrompit la belle-sœur en insistant sur cette idée, allez donc le chercher pour que votre frère l'examine. Peut-être il sera plus habile, qui sait? Je crois bien, reprit Wang Tsui, que ce doit être une écriture fort difficile à déchiffrer. Seulement, je serais curieux de regarder ces pages comme une chose rare et étrange, voilà tout. Wang Qin était allé chercher le livre, et il le remit aux mains de son frère. Celui-ci le prend, le tourne, le retourne, l'examine du haut en bas. « Oui, s'écria-t-il, ce sont en vérité des caractères comme on en voit peu. » Puis il se leva, traversa la salle et vint dire à la face de Wang Qin. Le Wang Liehu de ces jours derniers, c'était moi-même. Aujourd'hui que je tiens de nouveau entre mes mains ce livre divin, je ne viendrai plus vous tourmenter. Adieu, rassurez-vous. » Puis à ces mots, il sortit et courut en fuyant. Dans l'excès de sa colère, Wang Qin s'élança à la poursuite de l'être surnaturel. Il criait de toute sa force « Audacieuse bête, où vas-tu ? » Et d'une main il le saisit par ses vêtements. Le fuyard se débattait avec effort et l'agresseur le tenait d'une main vigoureuse. Puis on entendit marmotter quelques paroles inarticulées. Wang arrachait les vêtements de l'animal fée qui, s'étant secoué vivement, se dépouilla des habits dont il était couvert, reprit sa première forme et se mit à fuir dehors à toutes jambes. Il disparut comme un tourbillon. Wang, accompagné de tous les gens de sa maison, courut pour le poursuivre jusque dans la rue. Il promena ses regards de tous côtés, mais sans en découvrir la moindre trace. Ruiné d'abord, puis maltraité en parole par ce renard, Wang Qin était furieux de la perte du livre enlevé dans cette troisième rencontre. Grinçant des dents, il regardait avidement d'un côté et de l'autre pour tâcher de voir son ennemi. Il ne vit rien, rien qu'un vieux Tao Se borgne assis à la porte sous la partie saillante du toit. Et quand il lui demanda de quel côté fuyait le renard qu'il avait dû voir passer, le vieillard lui fit signe en dirigeant son bras du côté de l'est. Wang Qin et les siens se précipitèrent donc vers la partie de l'horizon désignée par le Tao Se. Et il n'avait pas couru la longueur de 5 ou 6 maisons que le vieillard borgne s'écria « Wang Qin, le Wang Fo de ces jours derniers, c'était moi, votre jeune frère est ici !» En entendant ces paroles, toute la bande revint en grande hâte sur ses pas. Les deux renards tenaient le livre recouvré et gambadaient devant leurs ennemis pour les narguer. Wang Qin avait de vigoureux domestiques qui se mirent à la poursuite des animaux. Mais les deux renards jouèrent des pattes et s'enfuirent comme s'ils avaient eu des ailes. Wang Qin était arrivé jusqu'à la porte en continuant la chasse, mais sa mère lui cria. Il est parti, ce livre qui a causé la ruine de nos biens et les malheurs de nous tous. Laissez-les. Restez donc tranquilles. Quand vous les poursuivriez, ils sont loin et ils ne vous rendront pas ce qu'ils vous ont pris. » Ainsi Wang, malgré la colère qui l'étouffait, fut obligé d'obéir aux paroles de sa mère. Et il rentra avec tous les domestiques dont il était accompagné dans sa poursuite. Son premier soin fut de prendre les vêtements laissés par le renard pour les examiner. Mais à peine les eut-il touchés qu'ils se métamorphosèrent. Si vous voulez savoir ce qui resta, lecteur, le voici. C'était une feuille de bananier brisée qui avait pris l'apparence d'une robe de soie. De vieilles tiges de nénuphar composaient ce bonnet de gaze. Ces morceaux de jade, ces pierres d'azur, c'étaient de petits ronds de bois taillés dans une branche de saule pourrie. La plante rampante dont on tisse les manteaux contre la pluie représentait les longs fils de soie violette suspendus à la ceinture. Les chaussettes de soie n'étaient rien que du papier blanc, et la semelle si étincelante des sandales, deux vieilles écorces de sapin. Cette vue jeta de nouveau la stupeur parmi ceux qui se trouvaient présents. On cria « Ô miracle ! Ces renards possédaient en vérité un esprit surnaturel, puisqu'ils sont doués d'un tel pouvoir. Et encore, qui sait où est notre jeune maître ? Car enfin, celui qui s'est montré n'était qu'une apparition revêtue de sa forme. » Ainsi disaient les domestiques, et Wang Chin, au fond de son cœur, retournait ses pensées et dévorait sa douleur. Cette colère lui donna un violent accès de fièvre. Il se mit au lit et ne put se lever. Sa mère fit appeler un médecin pour le soigner. Nous le laisserons entre leurs mains. Quelques jours s'étaient écoulés lorsque les domestiques, se trouvant dans la grande salle qui faisait face à la rue, virent arriver un voyageur, et c'était, ainsi qu'ils le constatèrent au premier regard, Wang Tsei, le frère de leur maître. Son bonnet de gaze noire, sa tunique de soie tissée, ressemblait en tout point à l'accoutrement du renard fée. « Assurément, » dirent aussitôt les domestiques, « ce doit être le faux Wang Tsei. » Et tous se mirent à crier confusément, « Voilà le renard fée, le voilà venu !» Puis chacun s'armant d'un bâton le prit à deux mains, et ils se ruèrent tumultueusement sur le nouvel arrivé pour l'assommer. « Misérable canaille !» criait Wang Tsei en colère. « D'où me vient un si grossier accueil, tandis que vous devriez aller m'annoncer à ma mère ?» Mais les gens de la maison continuaient leur aimable réception, et ils se précipitaient sur lui en désordre. Or, Wang Tsei ne pouvait les contenir, et comme il était naturellement violent et colère, il parvint à arracher un bâton de la main d'un des valets, et frappant dans la troupe, il en culbuta 5 ou 6. Le reste n'osa plus approcher, mais tout en se retirant, il restait à côté de la porte dans l'intérieur de l'appartement, montrait du doigt Wang Tsei et l'injuriait toujours. « Méchant bête » criait-il, « puisque tu as repris ton livre, que viens-tu faire ici ?» Il était impossible pour Wang Tsei de comprendre leurs pensées. La colère le dominait, et il pénétra brusquement dans l'appartement de sa mère, tandis que les domestiques, refoulés en désordre devant ses pas, épouvantaient par leurs cris et leurs tapages la vieille dame qui, surprise d'entendre un pareil tumulte à sa porte, sortit précipitamment. Là, elle rencontre les gens de la maison et leur demande la cause d'un tel désordre. « C'est le renard fée, » répondirent les domestiques épouvantés. « Le voilà sous les traits de notre jeune maître. Il entre, il avance malgré tout. « Quoi ? Serait-il vrai ? » s'écria à son tour la mère de Wang Tsei. Et elle n'avait pas achevé que son fils était devant ses yeux. À la vue de la vieille dame, il jette précipitamment le bâton dont il s'était armé, et se prosternant à ses pieds, « Ma mère, » demanda-t-il, « pourquoi ces bandits de domestiques, me prenant pour un renard endiablé, s'élancent-ils sur moi avec des bâtons ? « Es-tu bien mon fils ? » reprit celle-ci. « Oui, je suis l'enfant que vous, ma mère, avez mis au jour, » répondit le jeune homme. « Est-il donc un faux Wang Tsei ? » Au milieu de ce dialogue, 7 ou 8 domestiques étrangers vinrent apporter les bagages du frère de Wang Qin. Et convaincus alors que leur jeune maître est réellement présent sous leurs yeux, les serviteurs viennent à ses pieds frapper la terre de leur front et lui faire des excuses. « Mais enfin, que veut dire tout cela ?» demanda encore Wang Tsei. Sa mère lui raconta la diabolique histoire des renards et l'avertit que son frère, attaqué d'une grave maladie, ne se rétablissait pas du tout. « Eh bien !» reprit brusquement Wang Tsei, surpris et effrayé quand il connut ces détails. « J'en ai autant à vous apprendre. Pendant que j'étais au pays de Shou, Wang Liehu, votre domestique, est venu m'apporter une lettre, et ce devait être aussi un renard métamorphosé. Et que disait cette lettre ? Vous savez, continua Wang Tsei, que j'étais arrivé au pays de Shou à la suite de l'empereur, en qualité de simple garde, au service du général en chef de Qiannan. Là, j'obtins le commandement en second de la compagnie Yanwu, et voilà pourquoi, lorsque Sa Majesté revint à la capitale, votre jeune fils ne put l'accompagner et resta hors des frontières du royaume. Il y a 2 mois, un prétendu Wang Liehu m'apporte une lettre de mon frère aîné par laquelle il m'annonçait sa fuite dans le canton, la mort de notre mère, et en finissant, il m'engageait à venir se concerter avec lui pour la cérémonie des funérailles. Ce faux Wang Liehu voulut partir bien vite pour la capitale afin de préparer lui-même l'emplacement destiné à la sépulture et se mit en route avant moi. Dès le lendemain, moi-même, je prends congé de mon chef et pars en laissant là bien des petits objets précieux équipés à la légère et n'emportant que le nécessaire pour ne pas retarder ma marche. Arrivé à votre précédente habitation, j'apprends des voisins que ma mère est vivante et je cours au bateau quitter mes vêtements de deuil. Enfin, me voilà. Mais je voudrais apprendre de mon frère lui-même quel est celui qui s'est plu à nous alarmer et à nous tromper par ces fâcheuses nouvelles, car en vérité, je n'entends rien à ces incroyables aventures. Là-dessus, il ouvre ses paquets et en tire la lettre. Mais ce n'était plus qu'un papier blanc. Ce désappointement donna autant d'envie de rire que de se fâcher à tout le monde. Wang Tsei entre avec sa mère chez sa belle-sœur et demanda à voir Wang Qin, mais celui-ci avait la raison égarée. « Mon fils, dit alors sa vieille mère, ces vilains renards nous ont à la vérité fait bien du mal, mais je leur sais gré de t'avoir joué ce tour et ramené du pays de Shou. Au moins, ils sont cause que la mère et le fils sont réunis, et par ce seul mérite leur faute est rachetée. Il ne faut pas leur en vouloir trop. » Pendant 2 mois, Wang Qin fut dans le délire. Puis il entra en convalescence et se fit inscrire sur la liste des habitants du Fanchuan, lieu qui se trouve maintenant dans le Wuyue. On le surnomma lui-même dans ce pays le ravisseur. Le mot chinois « Quang Tse » répond à l'anglais « kidnappé », celui qui vole des êtres humains, parce qu'il avait dérobé le livre qui était comme l'âme de ses renards. Le serpent rampe, le tigre bondit, chacun selon l'espèce à laquelle il appartient. Les renards possèdent des livres divins auxquels ils attachent un grand prix. La maison a été détruite, les biens ont laissé une place vide, le livre même a disparu. Mais aujourd'hui, on rit encore de Wang Qin et on en rira dans 1000 ans.